J'en ai assez d'être dans le désert, dans le désert, à balancer des pierres. J'en ai assez d'être dans le désert, dans le désert, dans le désert, au pied de mon cocotier. J'en ai marre d'être adossé au cocotier. Ouga mama, ouga mama, ouga mama. J'en ai marre d'être adossé au cocotier. Ouga mama, ouga mama, ouga mama, ouga. J'ai du sable plein les pompes, de la poussière plein les yeux. J'ai même oublié le pique-nique. J'ai du sable plein les yeux, de la poussière plein les pompes. J'ai pas de serviette pour le pique-nique. J'en ai marre d'être dans le désert, dans le désert, dans le désert, à balancer des pierres. J'ai tenté de m'éclater la tête à coups de pierre. Ma tête a trop résisté aux coups de pierre. J'en ai marre d'être dans le désert, dans le désert, dans le désert, à balancer des pierres. J'ai marché pendant des heures, j'ai marché jusqu'à pas d'heure. Oga mama, oga mama, oga mama, oh. J'ai marché pendant des heures, j'ai marché jusqu'à pas d'heure. Ouga mama, ouga mama, ouga mama, ou. Dans le désert, dans le désert, dans le désert. Dans le désert, dans le désert, dans le désert. Dans le désert, dans le désert.